Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique, aujourd'hui le marché de seconde main. Alors bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Le marché de la seconde main ne cesse donc de gagner du terrain, répondant aux enjeux actuels de réduction de notre empreinte carbone, de reprise du pouvoir d'achat, mais aussi d'une volonté de certains consommateurs qui veulent donner du sens à leurs actes d'achat. On parle d'ailleurs de consommateurs. Alors particulièrement représenté par le secteur de la mode, il touche néanmoins un grand nombre de biens. Les produits électroniques, d'occasion et reconditionnés, particulièrement dans le domaine de la téléphonie mobile, mais aussi les produits électroménagers connaissant une croissance significative depuis quelques années. C'est dans ce contexte que s'est ouvert depuis donc le 14 mai dernier un nouveau magasin sur Toul, Restore, offrant une large choix donc de produits reconditionnés et garantis. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été invité pour cette émission, eh bien Julie donc Leclerc, qui est responsable développement au sein de la structure L'Envie. Bonjour Julie Leclerc. Bonjour. Bienvenue donc à Radio Fadjet et à l'Instant Éco. Merci. Alors avant d'étudier donc le marché de l'économie circulaire, pouvez-vous présenter en quelques mots votre structure ? Oui, alors Envie en Lorraine existe depuis 91. On n'est pas si neuf que ça. Historiquement, sur une activité de reconditionnement et vente d'électroménager d'occasion, donc on reconditionne et qu'on garantit, avec un atelier de reconditionnement et un magasin qui historiquement est basé à Nancy. Et chemin faisant, Envie, c'est en Lorraine, s'est développé sur d'autres activités en lien avec l'économie circulaire, le recyclage de déchets, redonner une deuxième vie aux objets, allonger la durée de vie des objets. Et nous avons un autre établissement qui est présent sur Toul. Envie en Lorraine fait partie du réseau Envie en France. On est 52 structures présentes en France métropolitaine à œuvrer sur ces sujets-là, avec un réseau qui représente un peu plus de 3000 salariés aujourd'hui et une trentaine de magasins sur l'électroménager reconditionné et garanti. Alors vous faites partie de ce qu'on appelle donc l'économie sociale ou solidaire, l'ESS. Alors pouvez-vous présenter un petit peu les spécificités de cette économie sociale et solidaire ? Oui, alors le premier enjeu pour nous, c'est d'avoir trois piliers pour nos activités. Le projet social, on est entreprise insertion, c'est-à-dire qu'on offre du travail à ceux qui n'en ont pas. On les aide à rebondir vers le marché de l'emploi et l'objectif, c'est de les accompagner sur des parcours de 2 ans pour que derrière, ils puissent aboutir à un projet de formation ou vers un emploi durable dans l'économie traditionnelle. Le deuxième socle de notre projet, c'est l'économie circulaire. Mais là, l'économie traditionnelle peut s'engager aussi là-dessus. Et le troisième pilier, c'est le modèle économique. Et là, on est différenciant par rapport à d'autres, puisque nos structures sont sous forme associative ou coopérative. Donc, on a un cercle de bénévoles qui sont administrateurs de nos structures. Bien sûr, on a un modèle économique à tenir, on a des charges à couvrir et donc un chiffre d'affaires à réaliser. Mais pour autant, les bénéfices qu'on peut générer ne nourrissent aucun actionnaire. On n'a pas d'actionnaire chez nous. Ils restent dans l'entreprise pour consolider nos capacités à développer de nouveaux projets sur nos territoires qui servent l'emploi local. Voilà, c'est le caractère donc non lucratif de votre organisation. Oui. Qui les différencie des entreprises privées classiques. Oui, voilà, principalement. Les profits, quand vous en faites, sont réinvestis dans votre structure. Alors, comment avez-vous été amené à travailler au sein, justement, de ces structures L'Envie ? Alors, l'objectif, quand on vient chez Envie, on n'y va pas par hasard. C'est vraiment donner du sens à son travail. Je crois que c'est en plein mouvement, surtout avec la crise Covid. Faut corroborer, faut être d'accord avec tous les projets, les socles que je viens d'évoquer. Et c'est ça, en fait, qui donne du sens vraiment à notre action quotidienne. Et est-ce que vous étiez, alors avant d'intégrer la structure, est-ce que vous étiez consomme-acteur ? C'est-à-dire, est-ce que vous vouliez donner du sens à vos actes d'achat avant d'intégrer cette structure ? Il y a toujours une part, je pense, de nous qui se dit qu'on doit éviter la surconsommation. Après, non, je suis pas hyper militante en matière d'écologie, mais c'est sûr que ça invite à réfléchir à nos actes d'achat, à acheter ce dont on a besoin, comment on l'achète, auprès de qui on l'achète. Voilà, c'est sûr que travailler dans une structure comme ça fait réfléchir. Très bien. Alors revenons justement à la raison principale de cette émission, donc l'ouverture d'un nouveau magasin Restore sur Toul. Alors que propose ce nouveau magasin ? Alors Restore, c'est un point de vente mutualisé entre trois structures de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire. Ces trois acteurs sont donc Envie en Lorraine pour la partie vente d'électroménagers reconditionnés et garantis. On propose aussi une nouvelle offre sur le matériel de bricolage et jardin thermique reconditionné. Donc ça, c'est une toute nouvelle activité pour Envie en Lorraine. Et puis du dépannage, bien sûr, d'électroménager. Et on s'est associé à deux autres structures présentes sur le territoire de Colombey-les-Belles. Ces structures, en fait, font partie des dispositifs zéro chômeur longue durée et s'appellent La Fabrique. Donc, La Fabrique propose du mobilier qu'ils ont récupéré, qu'ils ont rénové, upcyclé. Voilà, j'utilise des mots un peu anglophones. Et puis, De Laine en Rêve, qui là propose des produits de literie écologique fabriqués à partir de laine de mouton issue d'élevages locaux. Voilà, donc on essaye ensemble de proposer une offre autour de l'équipement de la maison qui soit transformé, mis en valeur, sur lequel, en fait, il y a un geste technique qui a été apporté par nos salariés et qui sont moins chers que le neuf. Et puis, sur des modèles uniques, notamment pour le mobilier ou la literie. Donc, si j'ai bien compris, vous proposez donc des produits reconditionnés et non des produits donc d'occasion, hein, c'est-à-dire que vous apportez une valeur ajoutée. Alors, tout à fait. L'occasion, c'est ce qu'on va trouver typiquement sur des sites, si je peux le nommer, Le Bon Coin ou ce genre de choses, où le particulier ou une structure met en vente un objet qu'elle n'aura pas contrôlé, réparé et voilà, charge au client final de tester le produit, de l'utiliser sans avoir vraiment d'allongement de durée de vie. Aujourd'hui, reconditionner, c'est encadré par le code de la consommation. Du fait de l'essor de la seconde main, il y a nécessité de pouvoir différencier ce qu'on propose en seconde main. Et le reconditionner, en fait, on allonge réellement la durée de vie du produit. C'est-à-dire qu'on va changer un certain nombre de consommables, de pièces d'usure, pour permettre de garantir un allongement de durée de vie du produit. Et c'est pour ça aussi qu'Envie apporte une garantie de 2 ans sur tous les biens qu'on vend et qui permettent de rassurer le consommateur sur l'achat qu'il fait. Donc en offrant des garanties, vous levez ainsi des freins qui peuvent limiter le recours aux produits de seconde main. Des freins et des risques. Quand on vend de l'électroménager, y a bien sûr le risque électrique qui existe, avec des risques incendies ou une rupture de chaîne du froid qui peut être générée sur un réfrigérateur. Donc, en effet, c'est quelque chose d'important quand on parle de seconde main. Ce qui peut encore être un frein pour le consommateur final, c'est de ne pas être sûr de ce qu'il achète. Donc, en engageant une garantie, on rassure aussi l'usager final. Alors, vous proposez donc une solution gagnant-gagnant pour les portefeuilles, pour la planète. Alors, le principal avantage aussi, c'est que la clientèle va pouvoir observer, toucher le produit, contrairement à ce que proposent des applications Internet, comme vous l'avez dit, Le Bon Coin, Vinted. Hein, c'est un véritable atout. Pour vous. Oui. Et puis, quand on propose de l'électroménager, c'est très important aussi d'accompagner le client final sur l'usage qu'il en fera et de l'orienter vers le produit qui est adapté en fait à l'usage final qu'il en fera. Donc oui, on a bien sûr sur nos appareils des fois des défauts esthétiques et là, le client final va voir, il y a une bosse peut-être sur le côté, mais je m'en fiche. Parce que le lave-linge, il est dans une vianderie, et voilà, mais ça permet de pouvoir en effet voir le produit. Alors, on n'a pas cité l'adresse de votre magasin Restore à Toul, l'adresse exacte. On est au 765 avenue de l'Europe à Toul, donc sur le pôle industriel Toul Europe. Voilà, et ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Très bien, alors après la première pause musicale, on va revenir sur l'essor du marché de la seconde main, mais on a l'habitude à l'instant écho de faire des pauses musicales et je vous ai demandé de me sélectionner une chanson ou une musique que coup de cœur. Alors quel a été votre premier choix ? J'ai choisi La Fièvre de Julien Doré. Alors pourquoi ce choix ? Alors, cette chanson met en avant tout ce que la société nous pousse en fait à consommer avec des besoins qui paraissent assez essentiels et pour autant, bah, ils ne sont pas vitaux. Je peux citer par exemple l'achat qu'on se sent obligé de faire avec une livraison qui se fait le dimanche matin sur une plateforme internet. Est-ce qu'on en a réellement besoin ? Est-ce que ça correspond au modèle social qu'on promeut en France, d'empêcher le travail dominical, etc. Et puis, est-ce qu'on a réellement besoin de cette paire de chaussures qui va avec la tenue qu'on a prévue pour le week-end ? C'est des questions qu'on peut se poser et c'est un petit peu ce que cette chanson essaye de nous montrer. Eh bien, on retrouve tout de suite votre premier donc, coup de cœur, donc Julien Doré, La Fièvre. Changer les ombres, on peut juste les éclairer jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais si l'époque a des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où était l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre. L'enfer, c'est pas les autres, c'est ceux qui te font rêver et qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé. Tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler, ils iront sur la banquise passer quelques mois d'été, photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où était l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre. Mais le monde a changé, il s'est déplacé, quelques Voilà, c'était donc Julien Doré, La Fièvre, le premier coup de cœur de notre invité, donc Julie Leclerc. Vous écoutez Fadjet. Oui, vous êtes bien donc sur Radio Fadjet, c'est l'instant écho et nous accueillons pour cette émission donc Julie Leclerc qui est responsable développement de la structure Envie en Lorraine pour parler donc économie du réemploi ou économie de la seconde main à l'occasion de l'ouverture du magasin Restore sur Toul. Alors après avoir évoqué dans la première partie donc la naissance de ce nouveau magasin sur Toul, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce choix de la ville Toul ? Pourquoi Toul ? Parce que ça fait quelques temps quand même qu'on essaye d'avoir un projet commun et une vitrine commune, donc avec ces deux autres structures qui sont proches de nous, La Fabrique et De Laine en Rêve. On a la facilité aussi, je vais pas vous mentir, d'avoir les locaux qu'on avait disponibles hein, sur notre surface de vente et d'exploitation déjà en vie en autonomie, présents sur Toul. Et puis voilà, les choses se sont faites naturellement aussi avec l'appui des services publics du Toulois, du territoire du Toulois. Donc voilà, on est heureux d'avoir ce projet qui aboutit sur cette belle ville. Alors comment avez-vous été accueilli par les acteurs locaux, notamment ceux qui justement proposent des produits neufs et qui perçoivent souvent d'un mauvais œil l'arrivée des acteurs de la seconde main ? Alors, les distributeurs de produits neufs ont historiquement été présents aux côtés d'Envie pour nous aider à développer cette activité d'électroménager reconditionné. Il faut savoir que Envie est née de la rencontre d'un acteur d'Emmaüs et d'un acteur de Darty. D'accord. Voilà. Darty qui avait son vieux parc d'électroménager non fonctionnel ou qui ne pouvait pas vendre lui-même. Qui va voir Emmaüs en lui disant « Je ne sais pas quoi en faire, est-ce que tu peux les prendre ?» Emmaüs qui dit « Bah oui, mais faut de la compétence pour reconditionner. » De là est né le réseau Envie. Donc historiquement, ces acteurs-là n'étaient pas contre cette émergence de l'offre. Maintenant, c'était il y a 40 ans. Mmh. Aujourd'hui, c'est sûr que les choses peuvent être abordées différemment dans la mesure où le marché de la seconde main, on dit qu'il dépassera le marché du neuf d'ici une petite dizaine d'années. Je pense que c'est le textile qui va être particulièrement exposé, moins les produits qui nécessitent de la réparation ou de la transformation. Mais pour autant, on voit les distributeurs commencer à proposer des corners en part propre de reconditionner. Mais ça reste encore marginal dans leur activité. Donc, on n'est pas en dualité en fait, avec le neuf. On propose quelque chose de complémentaire. Mais voilà, c'est sûr que chacun doit trouver ses parts de marché. Mmh. Alors vous avez justement évoqué les acteurs qui relèvent d'une logique concurrentielle et qui ont compris cette tendance du développement de la seconde main, qui offrent également, vous l'avez dit, des produits de seconde main, aussi bien dans le textile que dans l'électroménager. Alors n'avez-vous pas peur que justement la frontière entre l'économie de marché et l'économie sociale et solidaire a tendance un petit peu à s'estomper, qu'on arrive moins à vous identifier comme véritablement acteur de l'économie sociale et solidaire ? Bien sûr, on a aujourd'hui des grosses plateformes internet qui proposent notamment de la téléphonie reconditionnée et qui affichent le même plaidoyer, la même histoire que celle qu'on raconte. Pour autant, le téléphone vient des États-Unis et reconditionné dans les pays de l'Est, dans des conditions sociales, environnementales qu'on ne maîtrise pas, ils sont proposés sur le marché français. Donc, il y a nécessité aujourd'hui que les acteurs de l'ESS qui historiquement portent ces activités de réemploi et réutilisation puissent montrer ce qui est fait dans un cercle géographique plus restreint et puis avec des compétences locales non délocalisables. Et c'est aussi pour ça que Restore prend tout son sens. On est là pour une vitrine véritablement de tout ce que nos salariés font dans nos ateliers et qui est proposé aujourd'hui aux habitants. Donc aujourd'hui, on est présent sur Toul, peut-être demain sur d'autres villes, métropoles à voir, et peut-être avec d'autres acteurs de l'ESS. C'est des choses qu'on essaye de travailler. Alors, avec vos propos, vous avez bien montré et insisté sur le fait que votre structure agit sur l'économie locale et notamment favoriser l'insertion des salariés qui ont des difficultés à trouver du travail. Alors justement, est-ce que vous avez été soutenu par les pouvoirs publics locaux ? Bien sûr, c'est toujours nécessaire dès qu'on développe de projets de pouvoir être soutenu par les pouvoirs publics. D'abord, sur l'accès au gisement. C'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas de gisement à reconditionner, on n'a pas d'activité de reconditionnement. Et c'est là que les acteurs de la distribution, de la grande distri, commencent à prendre la main sur une part de nos gisements. Donc, les pouvoirs publics locaux, notamment la métropole du Grand Nancy, la communauté de communes Terre Touloise, la communauté de communes Moselle et Madon, ouvrent aujourd'hui des zones de réemploi qui sont en fait des espaces aménagés sur les déchetteries qui permettent à l'habitant de déposer ce qui a un potentiel de réemploi-réutilisation. Et ces flux-là ne sont réutilisables que par les acteurs de l'ESS. Donc on essaye de préserver notre accès au gisement qui est le nerf de la guerre. Après, sur l'investissement qu'on a réalisé là sur le magasin de Toul, on a eu une subvention du Pays Terre de Lorraine qui nous a vraiment aidé à réaliser tout l'aménagement intérieur de notre magasin. Donc les pouvoirs publics sont très importants et doivent être à nos côtés. Vous parlez de subvention de Terre de Lorraine, c'est ça ? Terre de Lorraine, voilà, c'est un regroupement de communautés de communes, dont Toul. Voilà. D'accord, très bien. Et alors, je suppose que la clientèle qui vient, qui se déplace dans vos magasins, est-ce qu'il y a vraiment un profil type ? Alors, historiquement, les produits qu'on reconditionne et qu'on propose à la vente sont destinés à une population qui n'a pas accès au neuf et qui, pour autant, ne doit pas être déclassée sur la qualité des produits qu'ils achètent. En tout cas, c'est le projet social que porte Envie et c'était majorité de nos clients historiques. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui ont les moyens d'acheter du neuf et qui vont vers le reconditionné par choix écologique. Donc, c'est une clientèle qui a tendance un petit peu à se développer. Très bien. Donc, on voit bien que le marché de la seconde main n'est plus aujourd'hui réservé uniquement aux familles à revenus modestes. On va passer maintenant à la deuxième pause musicale. Alors, quel a été votre choix, Madame Leclerc ? J'ai choisi Yannick Noah aux Arbres Citoyens. Alors, toujours un même argument. Quelles sont les raisons de ce choix ? Chaque petite action, aussi infime soit-elle, portée par l'humain, quelle que soit sa dimension, peut agir sur la transition écologique et c'est nécessaire. Très bien, ben voilà. On va écouter donc cette chanson de Yannick Noah en lien donc avec ce thème de l'économie donc solidaire. On écoute tout de suite Aux Arbres Citoyens. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Balance quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle se poids sur nos épaules de squatteurs éphémères. Maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée d'euros. Voilà, c'était Yannick Noah aux Arbres Citoyens. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, vous écoutez donc l'Instant Éco pour parler du marché de la seconde main avec Julie Leclerc qui est responsable développement de la structure Envie en Lorraine à l'occasion donc du lancement d'un nouveau magasin Restore sur Toul. Alors Julie Leclerc, vous allez maintenant parler un petit peu de recrutement au niveau de la structure justement Envie. Oui, on est toujours en recherche de compétences. Et aujourd'hui, donc, on a deux postes à pourvoir immédiatement en CDI. Un technicien en réparation électroménager, donc poste à pourvoir sur notre site de Nancy, et un soudeur sur notre site de Toul. Et puis, en permanence, on recrute plutôt des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont des difficultés d'accès à l'emploi. Aujourd'hui, on recrute un conducteur poids lourd avec Fimo et cariste avec Cassès 1 et 3. Voilà, donc ça, c'est pour nos sites de Toul. En tout cas, toute compétence et tout CV est à envoyer à notre adresse mail envie54recrute@envie.org ou alors les personnes peuvent se présenter directement sur nos sites de Nancy et Toul. Très bien pour ces quelques précisions qui montrent effectivement que le marché de la seconde main crée aussi donc des emplois. Hein? Toujours. Toujours des emplois. Alors donc, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est l'ouverture du magasin Restore donc sur Toul. On rappelle également l'adresse. 765 avenue de l'Europe à Toul, donc sur le pôle industriel. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes confiante pour le succès donc, de ce nouveau magasin? On est ouvert depuis le 14 mai et oui, ça fonctionne bien. On voit bien que ce marché de la seconde main, il y a la clientèle pour. Et aujourd'hui, les clients sont vraiment au rendez-vous malgré une communication qui reste confidentielle. On est sous forme associative, donc on ne peut pas communiquer comme on veut. Et les clients sont présents. Très bien. Donc, très positif. Alors justement, quels sont, pour dernière question, les arguments que vous pouvez avancer pour convaincre justement nos auditeurs de se présenter dans votre nouveau magasin Restore, donc à Toul? Pour découvrir en matière d'électroménager ou bricolage et jardin thermique des produits reconditionnés et garantis 2 ans. Donc on les vend en moyenne 50% de la valeur du neuf, donc 2 fois moins cher que le neuf et garanti comme le neuf. Donc ça a un vrai intérêt pour le porte-monnaie et un intérêt aussi pour la planète. Et pour découvrir de laine en rêve et la fabrique, là on est vraiment sur du produit qui a été transformé, sablé, du travail de tapisserie, de la literie écologique. Et là on est vraiment sur des produits qui seront uniques et pas sur catalogue et qu'on retrouve chez tout le monde. Très bien, comme vous l'avez dit, donc c'est en fait une solution gagnant pour la planète, pour le portefeuille. Oui. Et puis vous proposez, on l'a dit, 2 ans de garantie, une garantie comparable aux produits neufs. Tout à fait. Voilà, ainsi s'achève cette émission de l'Instant Éco. Merci Julie Leclerc d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Très bien, en espérant donc avoir éclairé au mieux donc les auditeurs donc sur le marché de la seconde main. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet et puis de faire des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez aborder au cours donc de cette émission, en sachant que si vous avez pris l'émission en cours, vous pouvez nous retrouver bien donc sur le site de Radio Fadjet au niveau de la rubrique effectivement l'instant donc écho. Alors n'hésitez pas donc à nous retrouver donc sur ce site et puis n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet. We'll be right back.